Ouais, avec des petits culs un petit peu serrés. Voilà, pas un petit cul, elle a un cul correct, mais elle a un cul bien ferme et qui, à mon avis, est très sympa au toucher, quoi. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas faire fantasmer les camionneurs qui nous écoutent jusque très tard dans la nuit et qui vont se mettre à faire des grosses bêtises dans leur gros camion. Quand l'animateur arrive, tu connais le nom de l'animateur ? Ouais, quand même. Bon, alors, il s'appelle comment ? Parce que des fois, il y a des gens qui se plantent, alors, ils connaissent rien, les tocards. Des tocards. Dépêche-toi, on va passer à l'antenne dans pas longtemps. Non, mais laisse tomber, je pense pas que t'es... Non, je passe pas à l'antenne, allez, salut. Allô ? Oui. Allô ? Oui, bonsoir, on accueille tout de suite Livia, 38 ans, de Troyes, bonsoir. Allô, Livia ? Allô ? Oui, bonsoir. Stéphane ? Bonsoir, vous allez bien, bonsoir. Allô ? Oui, on vous écoute. Allô ? Oui, bonsoir, on vous écoute. Allô ? Oui, bonsoir. Allô ? C'est Max ? Oui, bonsoir. Allô, est-ce que Livia est là ? Allô, bah ça y est, on entend une voix, mais on n'entend pas la fille. Allô ? Ah, moi j'entends rien, moi. Allô ? Oui. C'est Max ? Ah, oui, bonsoir Livia. Tu as 37 ans et tu nous appelles de Troyes. Bonsoir. Allô ? Lydia ? Elle n'est pas là, Lydia, elle a raccroché. Est-ce que Lydia est là ? Allô ? Oui, bonsoir Lydia. Max ? Oui. Est-ce que je suis à l'antenne ? Bientôt. Oh là là, non, vous foutez de la gueule du monde là. Alors là, c'est pas le genre de la maison. Bonsoir. Allô ? On est en direct là, on t'écoute. Bonsoir. Ça va bien, Lydia ? Lydia ? Lydia ? Allô, Lydia, bonsoir. Je t'écoute, Lydia. Allô ? Oui, bonsoir. On t'écoute. Quel âge as-tu ? S'il te plaît. Ah. Vite. Oh là, ça marche tout. Ah là. Pousse-cum. Hein ? Je continue ? Vas-y, c'est génial. Regardons mon gros cul. Je sais qu'il plaît aux petits garçons. Dit-elle. Oh non. En se mettant en position, lui tendant sa croupe généreuse. Gérard, ne perds pas de temps. Il est trop excité pour réfléchir. C'est un bien doux Guatapens. Bereitete ihr viele Schmerzen, doch sie trug nur ihn im Herzen. Sans rien du tout, pomme de terre. Et ça rapporte à qui tout ça, hein, je vous le demande, au Métèque, au Bico, au Rastaquer, j'ai pas raison? Mais si. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, mon cher Didier, votre famille aujourd'hui, c'est nous. ce qu'il entendait faire et la façon dont il allait le faire. Les décisions de la solution finale ont été prises à la conférence de Wannsee, mais en fait, elles sont déjà annoncées et programmées dans ce livre écrit en 1923. Auschwitz y est en filigrane. Au contraire des politiques que les aléas du suffrage universel inclinent à employer la langue de bois, les apprentis dictateurs sont au contraire d'une franchise totale. Il suffit de les lire et de les écouter pour savoir ce qui nous attend. Et c'est pourquoi je suis toujours surpris d'entendre après « on ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient faire ça ». L'imagination n'a rien à voir là-dedans. Il suffit de savoir lire. Guernica, on le sait, inspira à Picasso son tableau célèbre qui est aujourd'hui en Espagne et que j'avais vu au musée d'art moderne de New York où il attendait que l'Europe soit à nouveau une démocratie. C'est un tableau beaucoup plus grand qu'on ne l'imagine quand on en voit la reproduction. C'est un cri de désespoir dont on a de la peine à se détacher. Picasso... mondial, et je tiens à relayer cet appel pour interdire clairement le clonage humain. Les grèves dans le transport aérien, Air France Europe assure 90% de ses vols aujourd'hui, malgré le mouvement des pilotes. Mais c'est demain que la journée sera la plus difficile pour les voyageurs. En cette veille du long week-end du 1er mai, il faudra compter avec un vol sur deux en moyenne à l'arrivée au départ d'Orly, en raison de la grève des aiguilleurs du ciel d'Orly. En revanche, tous les vols vers la Corse, les Dom-Tom et l'Afrique du Nord seront maintenus. Enfin, le trafic est toujours perdu. Paco, il n'est pas là pour rigoler quand même. Alors, Coquelin, qu'est-ce qui t'amène? Pas de problème. Attention, je vais te mettre un morceau qui est très très beau, toujours dans le CD, là je te fais un plaisir. Tu sais que j'ai écouté ton CD. Musique de nuit. Ouais, avec ta tête, t'as mis un mot et tout là. Oui. C'est plutôt sympa. Ça t'a fait plaisir? Ouais. Y a-t-il enfin une personne qui va me dire que ça ne lui plaît pas? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, les gens qui n'aiment pas cette compilation musique de nuit. Il faut continuer à l'acheter, elle est très belle. Vas-y, Jospin, on écoute, on met de la musique. Allez, on y va, écoute, et c'est beau en plus. Attention, vas-y. Allez. Il était tard. Je me promenais dans les rues de Saint-Malo. J'étais seul. Et tombaient quelques cornes de pluie. Les arbres m'entouraient. Non, lui, s'est mangé une plaque. Les oiseaux aussi. Il s'est pris une plaque de tuer. Je marchais. Quand soudain je vis une femme, à moitié nue, à moitié habillée, et avec un pantalon et une petite paire de chaussettes. Oh, comme il est joli. Je vais vers elle. Je lui dis, mais que fais-tu avec un seul pantalon et une paire de chaussettes? Elle me dit. Eh bien, c'est très simple, je t'attendais. J'ai voulu te séduire avec ce petit pantalon, une barque Levi's, des chaussettes Fila. Je savais que ça te plairait. Ce sont tes marques préférées de vêtements, Jospin, dit-elle. Je lui réponds, dans cette nuit étoilée, ton pantalon Levi's, et tes chaussettes fil d'art ne font que de me plaire. Oui, exact, oui. Je manque d'inspiration, lui dis-je. Et il me répond, ça tombe bien, je m'appelle Elvige. Oui. Et les rimes s'enlaçaient. Oui. Mon corps et son corps se frottaient. Nous nous étalâmes sur le sol, boueux. Avec quelques cailloux qui me grattaient au dos. Je ne dis rien, toi. Ah oui, je pense, oui. Ah, parce que là, c'est Stéphane à l'appareil. Stéphane? Ouais. Parce que c'était pour avoir Gérard de Suresnes. Ouais, bah non, bah la nuit ici, on n'a pas de Gérard. En cabine, dans une. Ah, en tongs, dans une cabine téléphonique, c'est pas. Ah, bah je me suis trompé de numéro. Ah ouais, non. Je suis où là? Oui, au commissariat. Ah bah oui, bah alors Gérard. Bah non. Il est pas là. Bah non. On peut lui dire, tu peux lui dire que Franck est appelé? Mais je veux bien, mais je sais pas qui c'est, donc Bah, Franck, c'est moi. Oui, oui, non, mais la personne que vous me demandez. Gérard. Oui, mais on n'a pas ici. Petit, mal coiffé, enfin, qui est l'arrêt au milieu, non, ça vous dit rien. Non, non, pas. Non, tu veux que je finisse en prison ou quoi? Dis donc, eh oh. C'est Franck à l'appareil. C'est Stéphane, là? Ouais. Ouais, tu pourrais me passer Christian, s'il te plaît? Non, c'est pas... Ça, c'est au faux numéro que vous avez fait, hein. Ah, c'est Stéphane, là, je t'ai reconnu. C'est Franck. Ça va? Franck. Ouais. Stéphane, il est pas là, par hasard? Stéphane. Ouais, parce qu'il m'a demandé de l'appeler, là, à cette heure-ci, là. Parce que je peux pas venir demain, hein. Parce qu'il m'a demandé de venir demain, je peux pas demain, hein. Ah bon? Bah non, tu sais très bien, tu sais bien que ma femme va accoucher. Alors, on peut se voir jeudi? D'accord. À quelle heure ça t'arrange? À l'après-midi. Ouais, vers quelle heure? Vers 2h. Bah, tu m'avais dit pas avant 17h d'habitude, comment ça se fait? Non mais, si vous voulez, à 17h on peut passer si vous voulez. Oh, bah tu me vois, t'es con ou quoi Steph? C'est Franck. Oh, t'as fumé ou quoi? Dis-moi, t'as des nouvelles de Sophie? Oh, oh. Stéphane. Oh, oh. Il a raccroché, faut le rappeler. Eh, Guy. Mets-moi Guillaume, mets-moi. Guillaume. Guillaume. Guillaume. Guillaume. Ouais. T'as capté un peu le truc? Ouais, un peu. Bon, ouais. Alors, on y va, on recommence, on y va. Tu recomposes le numéro, Florent? Oh, putain. Dans les fesses que de la savoir dans son pantalon. Les petites filles qui vont à la messe mettent des coussins sous leurs genoux. Elles feraient mieux de se les foutre sous les fesses quand elles s'en vont tirer leur coup. La duchesse de la Trémouille, malgré sa grande piété, a patiné plus de paire de couilles que la grande armée n'a usé de souliers. Maman, j'ai le con qui baille, ma fille fousille la paille, en voilà une drôle de façon que de se fourrer de la paille au con. J'aimerais mieux y mettre un vie que toute la paille du pays. Oui, non, non, oui, ce n'est pas par le cul que se font les cocus, mais c'est bien par le con que les cocus se font. Le duc de Bordeaux ressemble à sa sœur à son frère et son frère à mon cul. De là j'en conclus que le duc de Bordeaux ressemble à mon cul comme deux gouttes d'eau. La tante Amélie m'avait bien promis les poils de son cul pour m'en faire un tapis. Les poils sont tombés, le tapis est foutu, la tante Amélie n'a plus de poils au cul. Duc de Chevreuse ayant déclaré que tous les cocus devaient être noyés. Madame de Chevreuse lui a demandé s'il était bien sûr de savoir nager. Taillot, l'as-tu vu, le trou de mon cul? Si tu veux le voir, viens ce soir chez moi. Il est ovale, mon trou de balle, il est ni rond, ni carré, ni pointu, le trou de mon cul. Le lundi, je baise en levrette, le mardi, je baise en canard, le mercredi, je lui fais minette, le jeudi, je me fais pomper le dard, le vendredi, c'est feuille de rose, et le samedi, c'est 69. Le dimanche, je me repose pour fabriquer du foutre neuf. Le dimanche, je me repose pour fabriquer du foutre neuf. L'as-tu vu? Oui, je l'ai vu. L'abricot de la cantinière, l'as-tu vu? Oui, je l'ai vu. Son petit abricot fendu, il est tout noir, il est tout blanc. L'abricot de la cantinière, il est tout noir, il est tout blanc. Il est fendu par devant. L'autre jour, l'idée m'est venue, créneau de Dieu d'enculer un pendu. Le vent soufflait dans la potence, voilà mon pendu qui se balance. Et j'ai dû l'enculer en sautant, créneau de Dieu, on n'est jamais content. Quand on baise un contre-petit, créneau de Dieu, on s'écorche le vide. Mais quand on baise un contre-large, on ne sent pas quand on décharge. Se branler, c'est vraiment dégoûtant, créneau de Dieu, on n'est jamais content. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui baisaient par devant, par derrière. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui baisaient par derrière, qui baisaient par devant. La peau de mes rouleaux pour tous les caporaux, la peau de mes roustons pour le caporal Clairon, la peau de mes roupettes pour le caporal Trompette, le reste de la boutique pour le chef de musique. Mes balles, j'ai la castapiane dans le ventre, disait le curé à ses chantres, à ses enfants de cœur. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses, j'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil au pont, j'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses, j'ai du poil au cul. Excellent. Excellent. Ouh. Ok. Extrême gros plan et zoom. Ouais. Ouais. Ouais. Excellent. Ok. Excellent. Ok. Alors c'est le moment de Incroyable mais Wayne avec une excellente découverte. Notre invité est Ron Paxton. Bienvenue à Wayne's World, Ron. Merci, Wayne. Ron, tu es l'inventeur de la susqueute. C'est bien ça? Et en quoi consiste la susqueute exactement? Une révolution dans le domaine de la coiffure à domicile. Waouh! Quelle insolite, surprenante et excellente découverte! Je suis bien d'accord. Ok, dis-moi, Ron, une question cruciale pour nos téléspectateurs. Comment ça marche? Si vous me permettez, je suis prêt à en faire une démonstration. Ok, garde, tu restes où t'es, il va te mettre son truc sur le melon, ok? Je vais pas ressembler à un para me rase pas. Hein. Oh, Ron, peux-tu nous donner son principe de fonctionnement? Oui. Et comme son nom l'indique, ça suce et ça coupe. Dommage que ça coupe. C'est quoi au juste? Wayne's World. Ils font ça en direct de la cave de leurs parents. Le public suit ça? Forêt. Dans la forêt avec Sharon Stone. Avec Sharon. Et il fait très chaud. Ouais. Il fait très chaud. Ils sont trop. Ils m'éclatent. Ils sont visiblement brillants. Voilà une invention totalement et incroyablement nulle. Merci, Ron. Allez, on s'en va. On viendra la semaine prochaine, ok? En attendant, bonsoir. Mégatof, oui. Mégatof, garde. Wayne's World, Megaton, excellent. Et c'est... coupé. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Je peux tout vous expliquer. Moi, je m'appelle Wayne Campbell. Et j'habite à Aurora, Illinois, qui est dans la banlieue de Chicago. Excellent. Les petits boulots, je connais ça bien. Mais rien de ce qu'on appelle un métier. En gros, pour résumer, j'aurais très facilement pu être l'employé du mois 144 fois. Ouais, bon, j'habite encore chez mes parents, ce qui est pas seulement bidon, mais très triste. Par contre, je fais une émission sur le câble qui est canon. Question déconne, je suis pas le dernier. Mais la seule chose dont je rêve, ce serait qu'on me paye pour mon émission. Ça pourrait arriver. Ouais, je pourrais arriver à chier par la pine. Ouais, la garde mobile. Lui, c'est mon meilleur pote, Garth Algar. Salut. C'est l'heure de Bohémien Rhapsody, les amis? Génial, ouais. Si tu vomis, vomis là-dedans. Il fait ça tous les vendredis. Arrête, tu te fais du mal! T'auras jamais le blé! Il faut vivre au présent! Oh! Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Un jour, elle sera mienne. J'ai examiné une bonne douzaine d'individus avec une sonde anale. Excusez-moi, j'ai tombé. Vous n'en avez jamais assez de commander toujours la même chose? Non. Attention, regarde pas, Stacy. Où ça? C'est quoi? Un râtelier à fusil. Un râtelier? Un flingue? J'ai pas la queue d'un flingue. Si j'en avais, disons, une dizaine, j'aurais peut-être un besoin quelconque de stade merde. Qu'est-ce que je vais foutre d'un râtelier à flingues? Alors c'est ça? D'accord. Attention, Wayne, fais attention à moi ou tu risques de me perdre. Jean-Marie affectionne tout particulièrement. Oui. 2h30, Inch'Allah. A tel Okhoya. Inch'Allah. La barque l'offre. Au revoir. 21h56 minutes, on se prend un autre appel. Allô. Oui. Bonsoir. This must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the hiking Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi. From every mountainside. aïe, aïe, aïe, Danny Brillon, une... Excellent, écoute, super. Attends, ouais. Pablo, ouais. On va te remettre en antenne. Tu vas mettre. Bon. Ouais, c'est le bordel. Bon, on va se préparer, d'accord. Et je fais bien ça. Hein. Bon. On va faire deux petits câlins. Alors, il y a deux poèmes sur les câlins. Et le troisième, c'est quoi? Il y a deux câlins. Il y a deux câlins. Ouais. Et après, t'as je t'aime. T'as je t'aime. Non, mais c'est pas les poèmes. On les connaît par cœur. Non, oh, pas ceux-là. Séverine, oui, tu les connais pas, les poèmes de je t'aime et compagnie? Non, je les connais pas. Gérard, oui, et les poèmes que tu devais faire vendredi pour l'ouverture de la soirée? Ah ouais, dis donc. Ouais, ben ils sont en préparation et je les ai pas terminés. Parce que je rappelle que vendredi, Monsieur Gérard a posé un lapin à tous les auditeurs. Oui, parce qu'il devait en direct de la locomotive dire des poèmes en direct de la boîte et que Monsieur n'a pas voulu les faire. À minuit, il devait ouvrir la soirée avant la... Ça devait être lui avec trois poèmes sur la tête nœud. Je t'annonce quand même la suite. Il y a la main. Ouais. Et les bras. Il y a la main et les bras, oh là là, fou. Les pieds, non. C'est vrai, non, les pieds, ça sera pour une autre fois. Hein. Alors, non, mais de toute manière, c'est adressé à toutes les nanas. Donc, s'il y a des nanas qui veulent réagir, et qu'elles en passent un peu, parce qu'il y en a marre toujours, moi. Ouais. Alors, donc, c'est adressé à ma petite taille. Alors, ouh là là, ça va lui remonter le moral, là, ça va lui faire du bien. Hein. Oui, parce que vous venez de la casser. Hein? Donc, j'ai remonté son moral à même. J'ai le moral, hein. On a fait une petite brèche, c'était tout mignon, on a remis un coup de colle, ça y est, c'est reparti. Ouais, ouais. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour la petite caille, on y va, c'est parti. Bon. Allez, c'est parti. C'est bon. Je t'écoute. Ma petite caille. Je voudrais te faire des câlins, mais tu refuses. Ma petite caille. On peut négocier, remarque, hein. Je voudrais te faire des câlins, mais je dors dehors. Ma petite caille. Je voudrais te faire des câlins sur un quart péri. Ma petite caille. Je voudrais te faire des câlins sous un duvet. Ma petite caille, je voudrais te faire du câlin, mais je pique la nuit. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins, mais plus rentre tard. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins sur des étoiles. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins, mais j'ai des problèmes. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins quand tu conduis. Ma petite caille, je voudrais te faire des câlins dans une fusée. Ouh. Voilà. Oh là là là là là là. Oh là là, tu t'es surpassé, hein. GG, là. Il n'y a rien à dire. C'est grandiose. Alors, maintenant, il y en a un autre. Mais alors, ce nom-là, ça va être dur à dire. C'est quoi? Attends, Gérard. Je voulais juste dire que pendant que tu fais l'autre, il y a ta petite caille qui va devoir faire la réponse. Ah oui, c'est vrai, oui. Ma petite caille. Attends, il y a Julie. Attends, mais deux secondes, Julie. Attends, parce qu'elle avait déjà envie de te répondre. Deux secondes, attends. Parce non, mais la petite caille a fait sa réponse sur papier libre, c'est tout. Ah, bon, apparemment, ça sera sur Je t'aime, apparemment. Bon, ben, après, sa réponse. Apparemment, c'est un poème sur Je t'aime. Apparemment, c'est un poème sur Je t'aime. Hein. De toute manière, moi, faudrait que je te wait, mon chef. Oui, non, mais on n'est pas là pour parler. Vas-y, continue les poèmes, vas-y. Alors, maintenant, ça s'adresse à Petite Filoute. Petite Filoute, c'est qui, ça? Grosse Filoute. C'est Philippe. C'est Philippe. T'inquiète pas, elle se reconnaîtra. C'est Philippe, ça, c'est... Non, c'est Petite Filoute. T'es pédé? Elle va se reconnaître. Comment t'as trouvé le premier poème? Mortel. Et toi, Séverine? Ouais. Ouais, sans plus. Non, c'est bah, il connaît rien, excellent. C'est vrai, il est où? Voilà, c'est tout. Ouais, de du vouloir, il devrait passer à l'action. Voilà, là, Séverine, elle est coincée. Oui, ouh, oui, oui, c'est bon, ouais. Allez, GG, vas-y pour un autre. Bon, alors là, cette petite filoute, elle va se reconnaître. Allez, vas-y. Alors, J'espère qu'elle va pas m'appeler, elle s'appelle Lali. D'accord, t'inquiète pas, elle t'appellera pas. Non, mais elle va me biper. Non, mais elle va... Elle alors, s'il te plaît, si tu t'es reconnu, surtout, tu ne le bipes pas parce qu'il veut pas, hein. Ouais, si, elle sait. Donc, petite filoute, vas-y. Je voudrais te faire beaucoup de câlins avant de dormir. Petite filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins comme tu les mérites. C'est toujours pareil. Ouais, mais... Hein? C'est toujours pareil. Ouais, mais attends, avec petite filoute, c'est pas évident. Ah, ça aurait été avec grosse filoute, ça aurait été beaucoup plus facile. Non, c'est pas une grosse filoute, allez, celle-là. Allez, vas-y. Donc, j'étais comme tu le mérites. Ouais. Alors, petite filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins, comme tu aimes en recevoir. D'accord. Petite filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins avant de... comme tu dois aimer. Oui. Alors, petite filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins quand tu rentres du boulot. Ouais. Petite filoute, je voudrais te faire des câlins quand on est allongé sur l'herbe. Ouais. Bon, enfin, bref, passons. Ouais. Petite filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins sur le sable en plein soleil. Petite filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins toute une journée. Ouais. Petite filoute, je voudrais te faire beaucoup de câlins assis sur un banc. Oh là là, il est moyen celui-là, hein. Moi je le trouve pas génial. Hein. Ça ressemble assez au premier. Ouais, ça ressemble assez au premier là, ça manque d'imagination. Hein. Dis donc, non, bah alors maintenant. Alors celui-là est pas. Voilà, oh, bidon. Ah bah ouais, attendez, bon là, putain, merde. Je t'aime. Allez, fais péter. Bon, vas-y, fais-nous. C'est bon derrière. Non, parce que si GG nous fait vraiment un prout dans la cabine, mon pote, je vais te dire, il va y avoir asphyxie, il va falloir appeler les pompiers. C'est le je t'aime numéro 33. Oui, c'est un peu ça, oui. Alors, un je t'aime, ça changera un peu des autres, parce que c'est vrai que GG, des je t'aime, t'en as jamais fait. Hein. Ah. Alors, je voudrais te dire, I love you, sur un Congo. Oh non, c'est les mêmes. Non, attends. C'est pareil. Attends. Non, hey, je vais te dire, avant c'était sur un chameau, maintenant c'est sur un Congo. Mais laisse-moi finir. Alors, vas-y. Alors, je voudrais te dire, je t'aime, sur un Congo. Je voudrais te dire, je t'aime, sur un hérisson. Je voudrais te dire, I love you, sur un Kaola. Mais où tu vas chercher ça? Ça ne pas, c'est des nouveaux, ceux-là, merde. Ah, vas-y. Bon, sur un Kaola. Je voudrais te dire, I love you, sur un hamster. Je voudrais te dire, I love you, sur une guimauve. Oh, merde. Je voudrais te dire, I love you, sur un carabin. Oula, ça y est, reçoit des messages, GG. Ouais. Oh, l'autre, il a le tatou et tout. Je voudrais te dire, I love you sur un scorpion. Oh, ça y est, il y a toutes les femmes qui l'appellent. Je voudrais te dire, I love you sur un cri de grillon. Ouh. Je voudrais te dire, I love you sur un serin. Je voudrais te dire, I love you sur une sirène de pompier. Oh oui, pas d'ambulance, un pompier. Oui, pompier, hein. Attends, je vais savoir qui c'est qui m'appelle. De toute manière, je le savais qu'elle est MVP. C'est qui? Ben, c'est Lali, donc on va la faire chier, on va l'appeler en direct, celle-là. Non, vas-y, termine tes poèmes d'abord. Pas grave, si Yerson. Donc, la main. Ah, la main, vas-y. Je voudrais te prendre la main sur une salamandre. Je voudrais te prendre la main sur une sauterelle. Oh. Je voudrais te prendre la main sur le bord d'une rivière. Ouais, c'est pas très dur, ça, à faire, hein, un poème. Je voudrais te prendre la main quand on va au paradis. Oh, facile. Je voudrais te prendre la main quand on va chez le barbier. Ah, pas mal, ça. Je voudrais te prendre la main sur une planche de short. Ouf, ça c'est joli. Je voudrais te prendre la main sur la croisette. Je voudrais te prendre la main sur un tatou. Je voudrais te prendre la main devant un feu de cheminée. Je voudrais te prendre la main sur un hélicoptère. Oh, mais où tu vas chercher tout ça? Comment tu fais, GG? Comment est-ce que tu peux réexpliquer aux gens comment tu fais pour avoir comment tu fais pour avoir toute cette imagination? Ben, j'essaie de trouver des sujets. Tu crois que je voudrais te serrer dans mes bras sur un soja. Oh là là. Je voudrais te serrer dans mes bras sur un troène. Facile. C'est début septembre, l'ultimatum. Donc vous avez encore presque trois mois et demi pour arrêter. 3 mois pour répliquer plein avant l'ultimatum, quoi. Non, mais de toute manière, trois mois, comme tu dis si bien. Ouais. Ben, maintenant, Sirpen, vous ne l'entendrez plus. Ah, putain. Ah, ben, il n'y a pas de putain, c'est mon travail. Ah, ben, tu vas te revirer. Mais même pour mes auditrices, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui attendent de m'écouter. Clair, hein. Ouais. Donc, pour toutes les auditrices qui m'adorent, Il y a déjà Nanou qui voudrait que tu lui défonces l'anus. Non, mais c'est bon, elle. Nanou, tu la laisses de côté, je veux même pas en entendre parler de celle-là. Éclate-moi les veines du cul. Non, mais c'est bon, elle. Elle, tu la laisses. Donc. J'ai des hémorroïdes, mais c'est pas grave, vas-y. Bon, donc, je continue. Pour les auditrices qui ont l'habitude de vouloir entendre mon remix, eh ben, n'ayez crainte, vous ne l'aurez plus à partir de. N'ayez crainte, hein. Donc, je vais encore faire un petit effort à la fin de l'émission. On va faire celui que tu as repassé quand on est venu. Donc, tu vas le remettre. Et c'est la dernière fois. C'est le dernier pour ce soir. Même jeudi, même pour la libre antenne. Ou... Plus jamais. Non. Les vrais du les sans vrais banderole. Ne seront récompensés et pour moi ne rentrent pas. Comment ça va être vendu? Bah, Thor Larigot. Vous savez très bien, c'est vendu à Thor Larigot. Attends, vous le savez très bien, vous le savez pertinemment, c'est vendu à Thor Larigot. Bon, c'est simple, les gens qui veulent se faire doubler sur moi, ben, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec les cassettes. Mais non, mais justement, moi, c'est pour ça. C'est rare. Mais arrête tes conneries. Ah ouais, non, bah arrête. Ouais, je t'en prie, on raconte les mêmes salades de gosses quand ils sont en colo. Gérard, raconte-nous une blague. De quoi? Bon, avant la fin de la semaine. Ah, d'accord. Ouais, carrément. C'est bon, tu les gardes. Ok? Alors tu repasses au standard, tu vas voir si j'y suis. Ok, bonne nuit. Non mais énerve-toi pas. C'est bon. Je m'énerve pas, si je vais m'énerver maintenant. Non mais moi c'est pas... Non mais c'est bon, là tes conneries, j'en ai ras-le-bol. Non mais c'est bon. Regarde comme tu t'énerves là, regarde. Ouais bah attends. T'es tout rouge. Non mais attends, tu crois ça me fait plaisir? Mais non, mais moi non plus ça me fait pas plaisir. Bon bah alors tu t'avais qu'à pas appeler, espèce de petit con. Bah non, là tu vas loin Gérard. Bah alors. Non mais là. Dans ce cas-là tu la fermes et c'est tout. Ouais, non, mais je vais la faire, mais tu m'insultes pas, j'ai mis 50 balles dans l'histoire. Mais alors, j'en ai rien à foutre que t'aies mis 50 balles. Tu veux peut-être que je te rembourse aussi, non? Non, je te demande si, ça serait logique, mais enfin bon. Non, mais attends, c'est logique. Non, mais attends, tu vas voir des conneries sur mon dos, et tu veux que je te rembourse. Non, mais ça, t'es starbé là, mon pote, hein. Voilà, t'exagères. Non, bah là, t'es. Mais là, maintenant, tu vas te faire foutre. Et hop. Non, je passe pour qui, moi, vis-à-vis des gens qui ont l'habitude de m'écouter? Ouais. Je passe pour un con. Et les vendeurs de tongs, les mecs qui font des tongs. J'ai l'habitude de t'écouter tout le temps, Gérard. Ouais, fait... bah alors, dans ce cas-là, si tu m'écoutes tout le temps, hein, ta connerie des tongs, hein, c'est bon. Bah, ok. Non, mais c'est pas des conneries. Tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. Attends, tout le monde est d'accord, attends. Ah, que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Gaïa? Alors, on y va, Françoise, on appelle une case, j'espère que t'as compris. Bien habillé. Oui, j'ai un short de toutes les couleurs. Voilà, et puis une casquette aussi. Et un œuf à fillon. Ah oui, c'est très élégant. Hein. Oui, ah, dis donc. Oui. Je peux raconter une histoire? Oh ben non, là je crois qu'on va pas avoir le temps. Pourquoi? Une histoire de Toto? Oh ben non, là t'exagères vraiment. Hein. On veut que je dévoile le secret de la ventriloquie. C'est bon? C'est bon. 3, 4. Bah ouais, là je suis sous la douche donc je peux pas répondre hein, parce que là j'ai. Oh ça caille en plus! Bah t'as qu'à me laisser un message et puis dès que je sors de la douche, j'essaie de te rappeler! Oh là là putain, elle est froide! Ouh, elle est froide putain! Oh merde, putain, merde! Oh fais chier, j'en fous partout, bordel! C'est grave, ça me manque violent. T'as déjà eu des rapports sexuels? Ah bah oui, quelques fois, oui. Bah quelques fois, et tu trouves pas ça bon quand un mec vient de bouffer la pelouse? Oh bah ça dépend comment. Merci, à bientôt. Quoi? Ouais. Un bon petit câlin, puis café au lit, avec croissant, attention, hein. Ouais, elle te fait le café. Ouais, non, mais moi je veux la totale le matin, hein. Ah ouais, pas de problème. Je veux le câlin le matin au réveil, la tout, totale, hein. Elle te fait la totale, le café le matin, ouais, les bisous, ouais, et la pipe. Non, ah non, ouais, c'est bon, je demande pas la pipe quand même. Tu préfères quoi, la gitane maïs? Ah non, même pas, tu vois. Bon, mais non, mais moi, je veux... Bah, la pipe, tu non, non, mais tu me trouves une nana. Hein. Tu vois, t'as encore une semaine facilement devant toi. Tu me trouves une nana ouais, cool. Voyez, Elle habite dans sa choupinette, parce qu'elle a pas... Dans sa poupe. Non, ça t'intéresse pas, il a déjà non, dit non, qu'il était bon, pas hétéro. Non, mais c'est bon, pas, alors. Il suffit de viser le deuxième trou, hein. Non, non, mais c'est bon, j'en veux pas, alors tu la gardes. Tu confirmes bien, t'es pas hétéro. Voilà, c'est tout, point final à la mienne. Ah, t'es pas hétéro? Non, c'est bon. Alors, ben oui, chaque personne est responsable de son tatou, et dans ce cas-là, le numéro, je l'ai donné qu'au nana, je l'ai pas donné à tout le monde, d'accord? Donc, tu vois, j'aimerais qu'on se rencontre, éventuellement. Ouais, t'es où? Comme je sais... Pardon? T'es où? Bah ben, s'il y a des esprits contraires, ça va barder pour leur matricule, hein. Exactement. Avec la complicité de... Il a... Nagila hava, nagila ven musnukha, hava narinna ven musnukha, Je m'arrête. Je veux chanter, pourtant je ne suis pas vraiment loin de toi. Tu n'es pas tout à fait abandonné, et tu sais bien que je n'aime que toi. Un petit peu de... Hewlett-Packard a lancé le HP NetServer E40. Ils ont tout prévu chez Hewlett-Packard. Un vrai serveur de réseau, accessible, facile d'utilisation, même sans responsable informatique, est basé sur le processeur Intel Pentium Pro. En plus, mon partenaire...